Mes amis. Eh oui, toi, mon Jojo, oui. Ah, fais pas la maline, que ça va. Vous avez entendu ça? Le gouvernement a lancé le plan Canicule 2005. Bien sûr. Bon, je m'y attendais un peu. On m'a demandé d'aller parler aux gens pour leur expliquer le plan. J'y ai été accompagné par un journaliste. Monsieur Perchu, comment comptez-vous vous y prendre pour faire passer le message du plan Canicule 2005? Eh bien, je vais aller voir les gens qui n'ont pas une attitude de sécurité face à la canicule et je vais leur dire quoi faire. C'est tout, c'est ça. Oui, un exemple? Ah, un exemple. Alors, tenez, la femme là-bas à la terrasse du café. Eh ben, elle a laissé son gosse en plein soleil. Eh ben, je vais lui dire que c'est pas bien. Je vous regarde. J'y vais. Bonjour, bonjour. Je suis Helmut Perchu et je suis là pour vous mettre en garde contre les dangers que vous courez au soleil. De quoi je me mêle? Allez, foutez-moi la paix. Dégagez, espèce de satyre. Bah, enfin, madame, je voulais juste vous mettre en garde. Si vous laissez votre enfant au soleil, vous... Barre-toi, pervers. Tu vas la fermer, espèce de truie. Non mais, qu'est-ce que tu me traites de pervers, ta reine de glaire? Tu crois que j'essaye de te draguer, pauvre cajot? Hein? Mais t'as qu'à le laisser au soleil, ton gamin. De toute façon, c'est peut-être mieux pour lui s'il se grille un peu la cervelle. Peut-être qu'il réalisera pas que la grosse gueulon qui a la tête de Régine et le corps de Chewbacca, c'est sa mère. Hein? Brutti! Oh, c'est pas vrai. J'ai l'impression que vous perdez votre sang-froid, monsieur Perchu. Oh, toi, ta gueule, hein? Non mais c'est ça, tu fais ton malin. Allez hop, toi aussi, tu vas suivre le plan canicule. Comment ça? Dans le plan, on dit qu'il faut boire 1,5 litre pour s'hydrater correctement. Tiens, bois ça, ça fait 1,5 litre, pile poil. C'est quoi? Du schnapps! Mais je vais mourir si je bois tout ça. Ah, j'espère bien. Eh ben mon Jojo, mon souhait va sûrement être exaucé. Il est toujours pas sorti de son coma éthylique, l'autre abruti. Bon, je vous laisse, hein. Je retourne à Londres. Je vais voir mon Gasquet. Au revoir, Zen.